الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الحمد لله يا رب. طيب قد أخذنا أمس الدرس حول كان. الله فيك. طيب ما هي تعريف كان؟ Le fait d'étisaf, l'ism bil khabar fil madi. Très bien, inshallah, barakallahu fik. Taïb, kana yufid étisaf l'ism bil khabar fil madi. Taïb, taïb, mithal ala hada. Kana zaydun maridan. Kana zaydun maridan. Ma'na l'ism l'an zayd marid mada? Khabar. Fil madi. Taïb, ahsant. Taïb, wa cette signification, hadi ta'rif. ماذا قلنا أمس؟ إما مع الانقطاع إما مع الاستمرار. مثال مع الانقطاع. كان زيدون مريضا. معنى سصغت. زيد تمالات كان أو باسي. يعني اكزامبل الاستمرار دائما. سيدير سيد ديسكريبسيون لا. الي أو باسي إي سخا توجور ميم أو فيتور. يكون مريضا. كومون؟ يكون مريضا. ندينا نوتر اكزامبل دو سا. ندينا يا. طيب. Non, كان الله غفور رحيم. Également, on avait dit quoi? Tout ce qui concerne les lois, c'est-à-dire la charia. طيب. طيب, inshallah, vous souvenez de ça ou non? طيب. Qui se souvient du verset qu'on a donné par rapport à ça? Ma l'istimrar, Wahabi? Ah, c'est une. Inna salat, كانت على المؤمنين كتابا مقرطا. طيب, est-ce que la prière, elle est prescrite qu'au mardi? Ou jusqu'à la fin des temps. Non. Oui. Voilà qu'on a fait comme. Et qu'un a fait le thème ou naqas? Naqas. Même un naqas? Regarde bien. Naqas. Ahsant. Il y a un ism ou un khabar. Maintenant, le thème, tu diras par exemple quoi? جلس زيد يكفي سي كومبري سا جلس يحتاج الى فاعل اي سون فيرا دون 3 بيان اون ديتاي كو يا دي فيرب يزون بزوان كو دان سوجي يا دي فيرب يزون بزوان دو كوا دو دو فوز الي فوار سي دير دان سوجي دان مفعول به ضربت يحتاج الى مفعول به اون فيرا ايغالمون يا دي فيرب يزون بزوان دو مفعول به اي سارتان يبوف اريفي ابري ا 3 مفعول به اي سا سي لو سكي دو بلوس دون لا لانغ عرب مفهوم ان شاء الله. إذا ناقص معنا بارك الله فيكم سكي سون مرفوع لوي سوفي با تي ديرا با كان زيد. طيب وما معنا أيضا كيش بغيت ندير هل هو كان جامد أو متصرف؟ ما معنى متصرف؟ معنى يأتي للماضي كما؟ لا لا ليس ليس يعني بتو ماضي والمضارع هذا يأتي للماضي والمضارع والأمر كان يكون وكن. طيب قلنا أن كان تحتاج إلى ماذا؟ إلى اسم وخبر. طيب اسم كان سيسخات كوا توجور أو سابو أتر سابو شانجي تا كومبري سكو جو فيدير سي جو دي بلوس تا لا ريبونس اسم كان اسم ظاهر أو أن ضمير. Exemple, ism dhahir. Ism dhahir. Kana Muhammadun, kana Muhammadun maridan. Maridan. Wa mithal ma'a dhamir. Kana hu. Kana hu wa. Kana hu. Kum salam. Kana hu wa. Kana hu maridun. Maridun. Maridan, maridan. C'est quoi le hu ici? Le hu c'est l'été. Ah, le hu c'est le mafal. Tu révises le Daoud dans ce moment ou non? Parce que Kanahou, on n'a jamais parlé comme ça, Kanahou. Est-ce qu'on peut, le Damir, Hou, est-ce qu'on peut le faire apparaître avec Kana? Non, on n'a pas dit ça. Ah, pas encore, on n'a pas étudié ça. Kuntu Hou, Akada. Kana, aïna da ism Kana ici. Si je te dis, Zaydun Kana Maridan. Zaydun Kana Maridan, aïna l'ism Kana? Eh. On est les moustatir. Houa. Mais il apparaît pas. Tu dis pas Kanahou. Dis-moi que tu étais malade, toi. Tu dirais quoi? كان مريض. أنت كنت مريض. هذا كنت. أين اسمك أنا؟ اسمك أنا تو. هكذا. طيب غبيزة. سي كم ذهبة. ها مو بعزم كنت مريض. ici je parle au frère je dirais quoi? كنت مريض. كنت مريضا. si je parle à une sœur. كنت. إلى آخر. طيب إن شاء الله. بارك الله فيكم. Oui, ça. Hein? Et après, on a vu une règle. Si deux secondes se rencontrent, on mettra quoi? Voilà, très bien. C'est-à-dire, tu as répondu. C'est-à-dire, si c'est un mime du pluriel, par exemple, Aqara'atum al-Qur'an, Ad-Damma. Mais sinon, c'est quoi la harakat de base? Non, c'est autre chose. C'est quoi la... T'as révisé le cours d'hier? Je voulais la casser. Ouais, c'est rien, pas de problème. On a dit hier, on a vu par rapport à la dama. Mais sinon, on a dit à la base, c'était quoi? La kasra. Un exemple avec la kasra. Non. Hein? Tu vois, par exemple, kharajat talibatu. Ou qalatil mara'atu. Taïb. Et la fetha, pourquoi on l'a ramené, on a dit? Ça, c'est pas dans le texte. Moi, je voulais rajouter, comme vous le verrez. Par exemple, on a min, et après, derrière, on a lafz al-jalala. On dira quoi? Minullah ou minallah ou minallah. Qu'est-ce qu'on mettra là? La fatha. Non, la fatha. Minallah. Ah, limada, li tarfif. Fumada? Barakallahu fikoum. Tout le monde a compris, Inch'Allah. Taïb. Dis-moi que Zayd a frappé quelqu'un. Sans citer son nom, tu mets un damir, tu diras? Daraba ou ahsant. Taïb. C'est-à-dire, le hou ici, il est quoi? Il est ism. On a chaque qu'il est ism. Mais c'est quoi? Mef'ul bi fa'al. Mef'ul bi. Kef araf t'en ou mef'ul bi? Comment on a su que c'était un mef'ul bi ici? Darabahu? Non, mais in alama. J'avais donné par rapport au verbe. Andek? Non, la dernière lettre du verbe, elle est quoi? Ouvert, daraba, hu. Mais faut mal là? Ahsant. Si je dis darabtu, c'est fa'al ou mef'ul bi ici? Darabtu. Darabtu. Là, c'est fa'al. Fa'al. Comment t'as su? Parce qu'il est maghrouf. Il est maghrouf? Normalement, il y a une soukoun sur la dernière lettre du verbe. Taïb. Ahsant. Ça veut dire également la dernière lettre du verbe, il y a une soukoun. بسم الله نقرأ الدرس التاسع غنف طيب أدخل ألف واللام التعريف على الكلمات التي تحت خط عند اللزوم هاي تدمان أدخل c'est quoi la différence entre أدخل et دخل يا محمد أدخل إلى أمر دخل si tu me dis rentre tu me diras comment أدخل ou أدخل Autre. Alors là, c'est pas l'amr. C'est-à-dire au niveau de ça. Qui se souvient? Atril, c'est faire entrer. Faire entrer ici. Hein? Il te dit Atril Alif Wallam. Si je te dis par exemple Atril Al-Walad, fil masjid. Au fond? Oui. Ahmad Dakhaltu, c'est quoi? C'est moi qui est rentré. Pour que je donne un exemple plus simple, par exemple, dit Jalastu. C'est qui s'est assis? C'est moi. C'est moi. Si je dis Ajlastu al-Walad. J'ai fait asseoir. Le fait d'avoir fait rentrer la Hamza, c'est quoi? J'ai fait asseoir. Alors ici, Atril. Il te dit Alif wal-Lam et Ta'rif. Ça veut dire quoi? Il te dit fais rentrer le Alif wal-Lam et Ta'rif, c'est-à-dire celle qui quoi? Qui va te rendre le mot d'après Ma'rifa, c'est-à-dire défini. Ala al-Kalimat al-Lati tahta khat. Ta'rif, c'est-à-dire sur les noms qui ont quoi? Un trait Inda al-Luzum. C'est-à-dire quoi? Inda al-Luzum, ma'ana al-Kalam. C'est-à-dire en cas de nécessité. Mais faut mal là. C'est bon? Tout le monde a compris l'exercice là? La traduction? Ouais? On n'a pas de. Non, il est souligné. Non, moi aussi, mais bon, en tout cas, là, sinon c'est compris la phrase là. Taïb. Iqra al-mithalayn al-atiyayn. Indi kitabun dhu ghilafin ahmar. Taïb, Inch'Allah. Aina al-kitabu dhu al-ghilafi al-ahmar. Et là, on dira quoi? Al-Ahmari ou Al-Ahmara? Al-Ahmari. Normalement, c'est même le sarf. Mais on a dit que le même le sarf, il peut retrouver quoi? La kasra, s'il est modaf ou les fois l'âme, il rentre du ta'arif. Taïb, Inch'Allah, vous avez compris là? Taïb. L'imen dhak al-bayt du babin akhdar. Andak? L'imen dhak al-bayt du babin al-akhdar. Non, du al-babi al-akhdari. Très bien. من ذلك الفتاة ذو النظارة الصغيرة نعم وسوى ذلك الرجل ذو الحقيبة الجميلة طبيب مشهور زي vous comprenez la phrase là qu'on lit là ou vous voulez que je la traduise مشهور والله ما فهم مشهور ah il occupé occupé hein c'est-à-dire شيخ مشهور. Il est occupé. Cher, il est célèbre. En ce moment, c'est pas rien. Taïb. ذلك الرجل ذو الحقيبة جميلة طبيب مشهور. Il te dit l'homme là. Et d'où, quel sens il a déjà d'où? C'est-à-dire, il possède, hein, possesseur. Taïb. Et la règle, c'était quoi? Ce qui venait après, il est modaf, il est. Il prend une kasra. Inch'Allah, on le verra ça avec l'asma al-khamsa. Taïb. Et il te dit, celui, l'homme là, qui porte la belle valise, le haqiba, est un médecin connu. Tabib Meshour. Qui connaît un synonyme de Meshour? On l'a vu? On l'a appris? Hein? Non, Ma'rouf, là, Ma'rouf, c'est connu. C'est-à-dire, le fait, c'est pas Ma'rouf comme Meshour. Quand je vous dis connu, c'est-à-dire quoi? Célèbre. Moi, si je dis, je connais le frère Mohamed, avec le respect que j'ai, ça veut pas dire qu'il est connu dans le monde. Mais bon, Shahir. Vous avez compris ça? Hadawa. Men dhalika al-walad dhu qamisin ahmar. Sahi? C'est moi. Tadal. Men dhalika al-walad dhu qamisin ahmar. Al-qamis. Regardez bien les frères. Si le mot avant dhu, il y a alif wa lam, ce qui viendra après dhu, il y aura quoi? Alif wa lam. Me foum? C'est ça le but de l'exercice. Vous n'avez pas les traits, c'est ça? Non. Voilà. Taïb? Regardez bien, si avant d'où il est ma'rifa, ce qui viendra après sera quoi? Ma'rifa. S'il est nakira, il restera nakira. Mais faut m'aider? Je répète, Inch'Allah. Regardez bien, tu regardes. Si avant d'où c'est nakira, ce qui viendra après d'où ce sera nakira. C'est-à-dire indéfini. Ce qui avant d'où il a qu'un ma'rifa, alladhi yati ba'd d'où yakun ma'rifa. C'est-à-dire ce qui avant d'où s'il est défini, ce qui viendra après d'où il sera défini. Mais faut Inch'Allah. Taïb, bismillah. D'où Sha'ri, hein, t'as dit ou Sha'ri? Là, Sha'r, c'est la poésie, mais là, c'est des cheveux qu'il a. Sha'r. Naam. D'où Sha'ri, At-Tawil, Talibun Jadid. Naam. Il possède des longs cheveux. Au suivant. Pas l'ilaf, al-ghilaf. Naam, l'imène d'Aftaru, d'où al-ghilaf, al-jamil. Au suivant. D'accord, là je loue. D'où nadarati, Naam, me dire on est taïb. Au suivant. نعم هو المؤذن مسجدنا نزل من السيارة شاب ذو ثياب نظيفة un jeune homme est descendu de la voiture d'où thiyabin nadifasin aux affaires propres. Le suivant al-majallatu as-suwari suwarin mulawanatu la mulawanati c'est-à-dire en couleur. Taïb, elles sont coloriées comme ça là wa rahmatullah wa barakatuh. Al-Majallatu, c'est-à-dire ici le magazine Zatu Souar, qui possède quoi? Des photos en couleur, coloriées. طيب suivant. هذه دراجة ذات العجل ثلاثة ثلاثة ثلاثة نعم الثلاثة نعم ثلاثين ثلاثة لابني ابني صغير صغير نعم الدراجة ما معنى الدراجة ما معنى الدراجة معنى فيلو نعم فيلو طيب بسيكلات suivant تلك المساجد ذات المنائر العاليات جميلة جدا نعم تلك المساجد ذات المنارة عالية جميلة جدا طيب tout le monde a compris inshallah الدرس ها j'ai pas compris ouais Nazala, c'est descendre, le verbe descendre, nazala. Okay. C'est la phrase 9. Nazala mina siyara shabun dhu thiyabin nadhifatin. Je l'ai traduit en plus tout à l'heure. Okay. Nazala mina siyara shab. C'est un jeune homme qui est descendu de la voiture. Shab. C'est l'inverse du shir. Naam. C'est bon, inshallah. Thiyab, c'est les affaires. Et nadhif, c'est quoi? طيب الدرس العاشر اقرأ الأمثلة ثم كون جملا مثلها مستعمل الكلمات التي بين القوسين هاي تدي لي les exemples ثم كون جملا puis forme des phrases طيب مستعمل الكلمات بين القوسين en utilisant quoi les mots qui sont entre parenthèses et ça c'est un درس qu'on a déjà vu on a dit quoi ce qui vient après الهمزة الاستفهام c'est la chose qui est quoi demandée et interrogée Vous vous souvenez de ça? Taïb, regardez bien. Akurat al-qadam, la'ibtum, amkurat al-sallah. Et le am ici, barakallahu fikum, c'est quoi? C'est le talab al-ta'yin. C'est-à-dire quoi? C'est que tu demandes, comment on pourrait dire ça en français, barakallahu fikum, ayyanaché, c'est-à-dire quitte la différence ou éclaircifier la chose. C'est que moi, je sais soit t'as joué au basket ou au football. Me faut? Comme ça là, moi. Me faut? C'est que moi, je sais que t'as fait. Une des deux disciplines, mais je veux quoi? Je veux que tu m'éclaircifies quoi? Imma al-kura, imma kurat salla. Vous avez compris? Et on a dit, c'était quoi la règle par rapport à l'hamzat l'istifham? Al-mubashara, al-mas'ul anu yati mubashara. Tu diras pas, par exemple, ici, al-a'ibtum kurat al-khadam, al-kurat salla. Là. Parce que, est-ce que là, on demande, est-ce que vous avez joué ou vous n'avez pas joué? Qui répond là? Hein? Là, on sait que vous avez joué. Mais c'est quoi? J'hésite entre quel jeu? Le football et le basketball. Vous avez compris? C'est pour ça qu'après le Hamza, tu ramènes directement la chose sur laquelle que tu t'interroges. Vous avez compris ou non? Et après, qu'est-ce qui reste? Le jeu en lui-même. La'ibtum. Et pourquoi on ramène le M? Talab et ta'yin. Si tu demandes quoi? Éclaircifie. Ça veut dire quoi? Éclaircifie-moi. Qu'est-ce que tu as fait? Soit tu as joué au basket, soit tu as joué au football. Et ça, on l'avait vu il y a quelques jours. Ouh, en début du 2. Sur la chose. Non. T'as compris, hein? Soit ça ou soit ça. Allez, ça m'a pas l'air d'avoir compris. Non, j'ai compris. Puisque tu révises pas. Éclaircir soit ça ou soit ça. Mais... Non. M, mais par rapport au Hamza. Alors, Hamza, juste après, c'est une façon. Non. Taïb, est-ce que tout le monde a compris? Taïb, Inch'Allah? Regardez bien. Am Muhammadan ra'aita am Hamidan. Si j'aurais mis. Araïta. Est-ce que j'aurais mis les deux prénoms après? Non. Qu'est-ce que j'aurais dû mettre? Araïta Muhammadan Amlem Tara. Vous comprenez là? Moi je sais qu'il n'y a que Muhammad que tu as vu. Mais j'hésite. Est-ce que tu l'as vu ou tu ne l'as pas vu? Mais là c'est quoi là? J'hésite entre Muhammad et qui? Et Hamed. Moi je sais que tu as vu un des deux. Alors moi j'ai quoi? J'ai ramené la chose sur laquelle on s'interroge. Et après, j'ai ramené M. Pourquoi? Pour que toi, tu me quoi? Tu vas me éclaircifier quoi? Soit c'est Mohamed ou Hamed que tu as vu. Ce ne sera pas Omar. Parce que Omar, ce n'est pas la chose sur laquelle j'hésite. Je sais que tu as vu soit Mohamed ou Hamed. Dans le deuxième exemple. Dans le premier exemple, c'était quoi? Je sais que tu as joué soit au football ou au basketball. Mais faut m'arrêter là. Alors, vous avez bien compris? Al-Hamzat l'istifham. Tout de suite après, c'est quoi? Al-Mas'oul anhu. C'est-à-dire quoi? La chose sur laquelle on s'interroge. Et pourquoi on a ramené M? Ils appellent ça talab les ta'yin. Pourquoi ? Éclaircifier la chose. Inch'Allah, c'est compris, hein ? Hein ? Et ça, c'est important, les frères. Il faut que tu saches maintenant employer cette phrase-là. C'est-à-dire, si tu hésites entre deux frères, c'est-à-dire, tu sais que, par exemple, moi, tu sais que j'ai vu Daoud. Tu me diras quoi ? Soit j'ai vu Daoud ou Ayman. Tu me dirais quoi ? Daoud Araïtou. Là, Araïta. Am Ayman. Voilà. Toi, tu sais que j'ai vu un des deux. Mais Fomhala, Aydan, automatiquement, tu ramènes l'interrogé. Soit Daoud ou après Ayman. Mais Fomhala, mais si maintenant tu hésites, est-ce que j'ai vu Daoud ou non ? Araïta Daoud Alam Tara. Parce que c'est la seule personne. Mais tu hésites, est-ce que vraiment je l'ai vu ou non ? Hakada, Inch'Allah. On fait le troisième. Fadal. Ouais. J'aurais pu dire aussi Araïta Daoud Amlem. Oui, il n'y a pas de mal. Parce que après, derrière, il est sous-entendu. Alam Tara. Il n'y a pas de mal. De temps en temps, il y a des choses qui sont supprimées. Et on sait c'est quoi. Par exemple, Darab Talwalad Naam. Et c'est quoi qui est sous-entendu ? Darab Tuhu. C'est-à-dire là, on a supprimé Fi'l Fa'al ou Mef'ul Bi. Mais faut Makada. Et ça, vous le verrez plus tard que de temps en temps, on peut supprimer un fi'l et un fa'al et un mef'ul bi. Mais faut Makada. Barakallahu fikoum. Ou ça peut arriver même avec un muqtada ou khabar. Zaidoun Marid, tu me diras quoi ? Non. Là, ou taïb, ou sinon, naam. Allah est magnifique. Inch'Allah, il est optimiste le frère. Hein ? M, naam, ou. Taïb, je ne l'ai pas traduit, hein ? M. Ou bien. Ou bien, naam. Taïb, est-ce que. Barakallahu fikoum. Si je te dis ça, il y a Bilal, par exemple, à Kurat al-Qadam, la'ibta, la'ibtum, am Kurat al-Salla, t'as le droit de dire le na'am ? Hein ? Vous avez compris là ? Voilà. Parce que maintenant, tu sauras comment il faut parler. Moi, je ne demande pas à quoi là, est-ce que tu as joué ou tu n'as pas joué. Je sais que vous avez joué un des deux jeux. Mais Fomada, automatiquement, on ne dira pas quoi ? Na'am ou la. Vous avez compris ? Taïb. Barakallahu fikoum. Akitab al-Fiqhi. Là, il parle à qui là ? Parce que moi, j'ai une casserole. C'est une casserole que vous avez ? Hein ? Non, je parle à Khati. C'est à Khati ou à Khata ? À Khati. À Khati, hein ? À Kitab al-Fiqhi, à Khati, am Kitab al-Sirati. Al-Fiqh, c'est la jurisprudence. Et Sira, c'est quoi ? C'est les récits, l'histoire. Mais vous, Sirat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a akhir. Le Kitab, il est mef'ulbi là ? Non, il est mef'ulbi. Pourquoi ? Parce qu'ici, il est par rapport à Khati. C'est comme si je dis Akhati le Kitab al-Fiqh. Ah, d'accord. Tout le monde a compris ? Tu peux nous expliquer ça, Mohamed, la dernière phrase qu'on vient de faire ? On hésite sur quoi là ? Est-ce qu'elle a pris le livre ou non, la sœur ? Ou on hésite sur deux livres ? On hésite sur deux livres. Voilà, c'est pour ça qu'après le Hamza, on a ramené quoi ? La chose sur laquelle on s'interroge. Inch'Allah, c'est compris ça. Et ça, c'est important ça. Hein, pour que vous sachiez bien parler. C'est-à-dire là, on hésite quoi ? Entre le livre de Fiqh et le livre de quoi ? De Sira. Mais il faut, Inch'Allah, c'est pour ça qu'après le Hamzat l'Istifham, on a remis quoi ? Al-Mas'oul anhu Mubashara. Et le Ham, pourquoi ? Pour que la sœur nous dise soit c'est le Fiqh ou soit c'est Sira. T'as vu, Inch'Allah ? Al-Ta'yin, hada ma'na. C'est comme l'exercice qu'on a vu il y a quelques jours. Ayin, Al-Mithal, Al-Fi'l, Al-Fa'l. C'est-à-dire, désigne. Mais il faut. Et dans Alhamdulillah, si vous avez compris. Alors, entre parenthèses, on a quoi ? On a. Darabta, Abbas et Mahmoud. Qui veut le faire ? Vas-y, on commence à droite. Vas-y. Abbasan, Darabta, Al-Muhammadan. Al-Mahmoudan. Al-Mahmoudan. Très bien. On sait qu'un des deux a été frappé. Mais Fomada ? Alors, automatiquement, on ramène un qui vient tout de suite après quoi ? Hamzat l'Istifham. Abbasan, Darabta, Al-Mahmoud. Taïb, Inch'Allah, au suivant. Concentrez-vous. عصير البرتقال شربته أم عصير عنب؟ عفوا أنا عصير البرتقال يا تديا؟ برتقالة. نعم. بقى برتقالة بقى. il est مفعول. عصير c'est vrai. عصير il est ici il est quoi مفعول. et après مضاف برتقال. hein le jus d'orange. طيب بارك الله فيك. عصير البرتقال شربته أو شربتي؟ عصير. عصير الله يحفظك. C'est, ça, on peut mettre les deux. Très bien vu, c'est bien Abdelhamid. On peut dire Sharibta ou Sharibti. Mais faut Asira. En plus, c'est toi qui m'as posé la question tout à l'heure. Mais Fulbi. C'est-à-dire que le fait que tu le verbe il vient après, le plus souvent là c'est quoi ? est-ce que tu as bu le jus d'orange ou le jus de raisin? T'as dit, asira al-burtuqali sharibta ou sharibti, comme tu veux. Am asira al-ainabi. Suivant. السيارة المديري رأيتم أم سيارة المدرس؟ وسيبان هذه المجلة المجلة قرأتنا أم تلك ربيز مهدي الله يبارك فيك parce que là j'ai dit aux frères hein, à partir de 2-3 jours on va rentrer dans الفعل المضارع. Hein, c'est pour vous que je dis ça. T'as surtout vous maintenant, alhamdoulilah, parmi vous, vous assistez à certains doros en arabe. C'est vrai, non? Alors, alhamdoulilah, il faut que tu saches maintenant conjuguer al-fi'l al-madi. Imaginez-vous le frère, que ce soit Abou al-Khattab ou d'autres frères, il vous parle. Dabahtoum, ou dabahta. Ça y est, tu sais quel temps ça. Je vois? Hamadi, ça c'est important. T'as et comme je vous ai dit, ça c'est du talab al-aim, ça. Wallah. Même si tu restes 2-3 heures avec le 1, alhamdoulilah, t'as fait quoi? Fais talab al-ilm. Faut pas regarder les gens. Chacun, Rabbi, lui a donné une capacité. C'est pas parce qu'il y a un frère dans 3-4 mois, tu le vois, il fait kitab tawhid là. Qu'Allah lui donne plus. Et toi, tu demandes, Ya Allah, donne-moi encore plus. Mais faut, c'est pas tout le monde dans la même capacité. Vous avez compris? Et ça, faites attention à ça. L'istirjal, il faut pas trop. Pas chaque fois il y a un dors qui ouvre, tac, je rentre. Oh, Yassine, tac. Même si demain Cheikh Rabi'i vient ici, le Kitab Touhid, si t'as pas de niveau, rentre pas. Même lui va te le dire. Daras Tosul Salatha. C'est vrai ou c'est pas vrai? Car le temps, c'est quoi? Faut pas le perdre comme ça. Alors apprenez al mufradat, les mots, révisez au maximum. Tu vois? Et après, Inch'Allah, tu verras, tu vas être très content. Tu vas écouter les cassettes, tu comprends ce qu'il dit. Tu vas écouter les khutbah, tu sais ce qui, pourquoi il a marfou, pourquoi il est mansou, pourquoi il est majour. Wallah. Hakada. Taïb. Bismillah. Très bien, mashallah. C'est-à-dire, ici, on pouvait dire quoi? Akhata et akhati. Taïb. Je suis sûr que maintenant, parmi vous, quand vous entendez l'imam lire le Coran, vous faites peut-être attention. Pourquoi il est marfou, mansou? Tu lis un hadith. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hada. C'est ça, Thamarat al-Nahou. Tu comprends maintenant. Tu vois? Et imaginez-vous encore plus tard quand vous allez faire les autres livres. Quand tu vas apprendre que le huruf al-jar la ma'ani, dakhalat imra'atun, qu'est-ce qu'on dit? On dira quoi? Fi hirratin. Dakhalat imra'atun, l'amnar fi hirratin. Elle fille ici, on dira quoi? On avait vu. Bisabab. Tu vois? Mais quelqu'un qui ne comprend pas, qui n'a pas fait de Nahou, comment? Dakhalat ma fi hirratin. Comment on peut rentrer dans un chat? Hey, regardez les secrets de la langue arabe. Bisabab. Mais faut m'aider. Taïb. Au suivant. C'est fini, hein? Même tout le monde a compris cet exercice? Hein? Taïb. Ta'allim al-kalimat al-athiya. Ta'allim, c'est-à-dire, tu dis, apprends les mots suivants. Nisfoun, c'est la moitié. Taïb. Al-thuluth, c'est le tiers. Rub'un, le quart. Khumsoun, un cinquième. Al-Thumun, un huitième. Al-Sudus, un sixième. Tus'un, un neuvième. Sub'un, un septième. Et Ushr, un dixième. Kawan Jumalan, Musta'min al-Kalimat al-Atiya. Tu dis forme des phrases en utilisant quoi? Les mots suivants. Dakhala, c'est-à-dire rentrer. Bahatha an, chercher après. Taïb, je crois qu'il est dans le texte, hein, ce mot-là. Cette phrase-là. Je crois qu'on disait par rapport, j'ai cherché quoi? Alessandra, je crois la. Allah yabarifikoum le balai. Hein? Voilà. Bahattu anha. Taïb, inshallah. Al-usbu' al-madi, la semaine dernière. Al-bariha, la nuit dernière. Ziyaratun, visite. Pas le verbe visiter, visite. Taïb. D'où, ici, l'essence de posséder. Nisfoun, la moitié. Taïb. Et demain, inshallah, j'interrogerai sur ces mots-là. Al-kalimatu al-jadidatu. Miknasatun jam' makanis. Balai, nadharatun jam, nadharat, lunettes, suratun jam, suwar, photo, à pas confondre avec quoi? Surat, c'est avec un signe. Taïb, saboun, c'est le savon, asir, le jus, taïb, après tu lui mets le jus que tu veux derrière, un mudaf, il est. Taïb, koratu, al-qadam, c'est le football. Kora, c'est la balle. Al-Qadam, c'est le pied. Si tu veux, mot par mot. Taïb. Masha, c'est le verbe marcher. Wajada, c'est le verbe trouver. Sulamun jam, salalim, c'est l'échelle. Ajalatun jam, c'est ajaluna. Rahmakallah. Rou. Ida'atun jam, ida'at, c'est station. Taïb. C'est comme ça qu'on appelle là. Les fréquences. Taïb. Pas les stations métro, les trucs comme ça là. Al-Bariha, la nuit dernière. Al-Burtuqal, c'est l'orange. Kurat al-Salla, basketball. Kura, comme on a dit, quoi on a dit, la balle. Et celle-là, c'est le panier. Taïb. Et après, même toi, tu peux utiliser celle-là. Ermi hadaf et celle-là. On peut dire al-Qumama ou celle-là. Non. Allah alam, c'est possible, Burtuqal. Mais ça, il faut demander, il faut regarder. Hein? On m'a dit que c'était sur nous de ça. Et si le frère t'a dit ça, il ramène une preuve. Taïb. Akhada, c'est-à-dire prendre. Bahatha'an, c'est chercher après. Manaratun, jam, manair, c'est le minaret. Lihyatun, liha, ou luhu. والوحة نعم اللحى واللحى بعض عالي مؤنث عالية أو إلوفي طيب ملون كولوغي صباح لمتى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الصباح ها ميلنا نصفون موتي وضع متر متر متر بوزي ها تمدي أين كتابي أقول لك وضعته في المسجد طيب. Si je te dis par exemple, va al mal, fait le zarf, mais. Ça y est, Inch'Allah. On va s'arrêter là, Inch'Allah, et demain, ce sera de la révision demain. Le dars est terminé, ce sera. Barakallahu fikoum.